Ainsi, un commun idéal d'honneur militaire est invoqué par les deux jeunes gens, de la manière la plus simple. À deux pas du tragique plateau de Gravelotte, sans que nul ne précise au service de quelle nation, ils écoutent, accueillent les grandes leçons de sacrifice que donne cette terre, mais ils ne songent pas à s'en armer les uns contre les autres. Monsieur Asmus et Colette n'ont pas oublié ni cessé de ressentir les événements de la guerre. Seulement, ils les pensent par une claire journée de soleil au cours d'une partie de plaisir. En traversant la place, tous les cinq lisent avec intérêt sur l'hôtel de ville l'inscription commémorative de la générosité des Anglais, qui, après les batailles de 1870, envoyèrent des semences à cette région dévastée. Puis ils vont gaiement s'asseoir à l'auberge et manger d'excellentes pommes de terre frites, des pommes anglaises, petites filles de celles qui passèrent la Manche. Trois autres tables sont occupées par des groupes qui parlent tous la courtoise langue française. On ne crie pas, on mange proprement un délicat fromage de petit cochon au vin blanc. Monsieur Asmus savoure la perfection de cette vie policée. Il pense, ce sont vraiment des plaisirs de gentilhomme. Il admire comment l'hôte vient, avec bonne grâce et sans excès, d'empressement, s'assurer que chaque convive est satisfait. L'aimable aubergiste, en s'approchant de leur table, s'exclame. « Mais je ne crois pas me tromper, c'est cette bonne Madame Baudoche !» Et la vieille Messine, après les premiers plaisirs de la reconnaissance, et quand ils ont affirmé que ni l'un ni l'autre, depuis 18 ans, n'a vieilli, dit avec sénérité, en femme qui tient à l'opinion d'un compatriote, « Monsieur est un professeur de Metz qui loge dans notre appartement. » Et pour une fois, comme il aime beaucoup notre pays, nous avons voulu lui montrer Gorzé et le château. Elle aurait causé inépuisablement du beau temps de jadis, mais la jeunesse réclamait le départ, et des nuages se montraient dans le ciel. À 3 heures, ils partirent à pied vers le château. C'était un faible détour sur la route qu'ils avaient à suivre pour monter à la Croix Saint-Clément, et de là regagner sur la Moselle la gare d'Ancy. Par une allée d'orme, mal entretenue et tombée au rang de chemin d'exploitation, ils arrivèrent dans une petite cour qui réunissait le château et la ferme. Nul ne leur demanda ce qu'ils voulaient. On entrait là maintenant comme dans un moulin. C'était une propriété moyenne, très caractéristique de la gracieuse civilisation messine. La grande façade étendait du côté de la route ses 3 étages crépis et ses fenêtres cintrées, embellies d'un mascaron. Une grande porte à petits carreaux menait de la salle à manger sur un perron de 3 marches et sur une vaste terrasse que bordait une balustrade en pierre, décorée de paniers fleuris. De là, par une belle rampe, on descendait dans un jardin à la française. Un ruisseau le fermait que l'on pouvait franchir, comme nous l'avons dit, sur un petit pont blanc, pour rejoindre la route à travers les prés de la ferme. Tout cela avait composé un ensemble extrêmement gai. D'un 18e siècle rustique, un vendangeoir pour membre du vieux parlement de Metz ou pour conseiller à la cour. Ici naissaient, duraient, se succédaient de belles vies modérées. On ne les voyait pas de très loin, Paris n'y pensait guère, mais elles poussaient de puissantes racines et formaient à la France un abri contre les tempêtes de l'Est. Hélas, depuis 30 ans, le château de la famille de V a connu bien des maîtres. Tous ont travaillé à faire d'une propriété noble et simple une chose prétentieuse. Ils ont barbouillé en verre tendre les façades, bousculé les parterres et dressé sur les rocailles un peuple de magots. Comment auraient-ils senti l'ordonnance d'un jardin à la française? Des ornières profondes déshonorent les allées, d'où le sable a disparu. Les coins obscurs, les carrefours humides se sont multipliés. Des mousses verdâtres sorties de la terre spongieuse répandent partout un air de vétusté. Et les arbres poussés à l'abandon ferment les vues de la campagne. Dans la maison, même ravage. Les petites boiseries blanches, recouvertes d'un badigeonnage marron, en placent des choses claires, gaies, naturelles et tout unies, partout des tentures sombres et cacao, des services à bière en cuivre, le portrait de l'empereur en chromo, un Bismarck de plâtre forgeant l'épée de l'Empire, bref, une propriété avilie. C'est le sort de tous les châteaux lorrains tombés aux mains des Allemands. Qu'ils achètent par ordre de l'empereur ou par plaisir, le rythme ne change guère. Ils commencent par planter sur la terrasse un mât à pavillon, gigantesque mirliton, noir, blanc et rouge, surmonté d'une boule dorée, avec une ficelle pendante. le grand plaisir d'un châtelain allemand, c'est de pavoiser en toute occasion, pour la fête de l'empereur et de l'impératrice, pour l'anniversaire du vieux Guillaume ou de Bismarck, et chaque fois qu'il vient des troupes dans le pays. Puis il s'occupe à dénaturer le domaine. Bientôt s'enlace et le revende à quelque autre gâcheur. L'âme de deux siècles de vie française palpite encore dans ses demeures déchues. En se promenant à travers les jardins de Gorzé, Madame Baudoche retrouve des fantômes modestes, des divinités rurales et potagères dont elle écoute pieusement les voix. Il est impossible de rendre ce que l'on éprouve si l'on vient réveiller une maison, un paysage après des années d'absence. Un profond silence enveloppe notre cœur, et nous sentons s'élever du sol tout un monde de poésie, où domine l'idée de la mort. La vieille dame fit dans ce paradis de sa jeunesse une promenade assez semblable à une visite au cimetière, un jour de Toussaint. Son esprit, incliné par ce pèlerinage aux sentiments religieux, lui faisait revoir, à la porte de l'église de Gorzé, le dimanche ses maîtres qui gagnaient leur berline après avoir prié sur la tombe de leur mort. Une prière de fidélité se formait spontanément dans son cœur. Du château, la petite troupe s'éleva, le long des taillis et des vignes, au-dessus de la forêt, pour gagner la croix Saint-Clément. Comme ils l'atteignaient, quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber, et tous cinq se mirent à l'abri sous le bouquet de tilleuls qui l'avoisine. La croix Saint-Clément commémore une légende des premiers temps de l'église messine. Elle se dresse sur un chaume à la pointe extrême du plateau de Gravelotte. C'est un des plus beaux points de vue mosellan. De ce belvédère, on domine la rivière sinueuse et brillante au moment où sa vallée s'élargit pour devenir la plaine dans laquelle Metz s'étale. Et sur l'autre rive, en face, derrière les deux énormes taupinières de Sommy et de Saint-Blaise, on voit se perdre en infini l'austère plaine de la Seille. Le vent souffle toujours sur ce tragique plateau de Gravelotte. Il venait aujourd'hui de France, de Mars-la-Tour, et poussait dans le ciel de Metz une queue d'orage, des nuages frangés, noirs et lourds, la plupart empêchés de tomber par la rapidité de leur course. Ils glissaient, se séparaient, se retrouvaient sans cesse, et coulaient toujours. Sous l'influence de ces choses aériennes qui fuient, la campagne faisait et défaisait ses contours, avec une saisissante mobilité. Des traînées lumineuses voyageaient sur les côtes, sur la rivière, sur le canal rectiligne, qui la double de ses miroirs. Elles atteignaient un bois, un village, pour l'illuminer de quelques minutes, et déjà le replonger dans l'ombre. En se reflétant sur la terre, ces lourdeurs du ciel prennent une légèreté magique. Elles y dessinent mille formes fugaces et d'instables clartés. La Moselle noire et motive change de ton comme un serpent. Au loin, à droite, le pays de la Seille, qui tout à l'heure brillait, sans ténèbres. Et voici que les nuées allument sur l'horizon le pays messin. Au milieu de l'immense paysage obscur, et tout au bout de la vallée noire, seul maintenant, c'est le fond qui brille et qui semble nimber d'une gloire la douce cité de Metz. Un tel spectacle aurait agi sur l'âme la plus froide, et donné au moins philosophe quelques sentiments de la mutabilité des choses. Madame Baudoche revoyait le spectacle plus saisissant auquel elle eût assisté, et certainement le plus tragique, de l'histoire moderne en Lorraine. « Regardez cette route en bas, disait-elle, la route de Metz à Nancy. Nous y avons vu, ton grand-père et moi, des choses à peine croyables. C'était à la fin de septembre 1872, et l'on savait que ceux qui ne seraient pas partis le 1er octobre deviendraient allemands. Tous auraient bien voulu s'en aller, mais quitter son pays, sa maison, ses champs, son commerce, c'est triste et beaucoup ne le pouvaient pas. Ton père disait qu'il fallait demeurer et qu'on serait bientôt délivré. C'était le conseil que donnait Monseigneur Dupont des Loges. Et puis la famille de V nous suppliait de rester, à cause du château et des terres. Quand arriva le dernier jour, une foule de personnes se décidèrent tout à coup. Une vraie contagion, une folie. Dans les gares, pour prendre un billet, il fallait faire la queue des heures entières. Je connais des commerçants qui ont laissé leur boutique à de simples jeunes filles. Croiriez-vous qu'à l'hospice de Gorzé, des octogénaires abandonnaient leur lit? Mais les plus résolus étaient les jeunes gens, même les garçons de 15 ans. « Gardez vos champs, disait-il au père et à la mère, nous serons manœuvres en France. » C'était terrible pour le pays, quand il partait à travers les prés, par centaines et centaines. Et l'on prévoyait bien ce qui est arrivé, que les femmes, les années suivantes, devraient tenir la charrue. Nous sommes montés avec ton grand-père de Gorze jusqu'ici, et nous regardions tous ces gens qui s'en allaient vers l'ouest. À perte de vue, les voitures de déménagement se touchaient, les hommes conduisaient à la main leurs chevaux, et les femmes, assises avec les enfants, au milieu du mobilier. Des malheureux poussaient leur avoir dans des brouettes. 2 mètres à la frontière, il y avait un encombrement, comme à Paris, dans les rues. Vous n'auriez pas entendu une chanson. Tout le monde était trop triste, mais par intervalles, des voix nous arrivaient qui criaient « Vive la France !» Les gendarmes ni personne des Allemands n'osaient rien dire. Ils regardaient avec stupeur toute la Lorraine s'en aller. Au soir, le défilé s'arrêtait. On dételait les chevaux, on veillait jusqu'au matin dans les voitures auprès des villages, à Dornau, à Corny, à Novéan. Nous sommes descendus, comme tout le monde, pour offrir nos services à ces pauvres canvolants. On leur demandait « Où allez-vous » Beaucoup ne savaient que répondre « En France ». Et quand ton grand-père leur disait « Comment vivrez-vous » Ils répétaient obstinément « Nous ne voulons pas mourir prussiens ». Nous avons pleuré de les voir ainsi dans la nuit. C'était une pitié, tous ces matelas, ce linge, ces meubles entassés pêle-mêle et déjà tout gâchés. Il paraît qu'en arrivant à Nancy, ils s'asseyaient autour des fontaines, tandis qu'on leur construisait en hâte des baraquements sur les places. Mais leur nombre grossissait si fort qu'on craignait des rixes avec les Allemands, qui occupaient encore Nancy. Et l'on dirigea d'office sur Vesoul plusieurs trains de jeunes gens. Maintenant, pour comprendre ce qu'il est parti de monde, sachez qu'à Metz, où nous étions 50 000, nous ne nous sommes plus trouvés que 30 000 après le 1er octobre. Comment un professeur allemand aurait-il entendu cette description sans revoir le premier chant d'Hermann et Dorothée? Le héros de Goethe trouva un paisible bonheur au milieu des infortunes de la guerre. M. Asmus, en écoutant les plaintes de la vieille Messine, entrevoit qu'il peut, lui aussi, construire dans ce désastre l'édifice de sa vie. Quelle différence avec l'état d'esprit qu'il apportait au lendemain de son arrivée à Metz, sur la haute terrasse de Scie. Comme il regardait alors la Lorraine avec sécheresse, il était un brave germain, paisible et peu éveillé, bien installé sur la solidité allemande. Depuis, il a cru se trouver une véritable destination dans l'étude continue d'une culture supérieure, mais il en éprouve un malaise. Ce n'est pas un plein emploi de ses forces, il ne peut y faire jouer que sa curiosité. Or, il voudrait satisfaire tous les besoins d'une nature affectueuse et juste, se dépenser sans réserve, mettre en œuvre à la fois son cœur et son esprit. En écoutant Madame Baudoche, il vient d'avoir une illumination. Il a entrevu cet état d'équilibre stable où il accorderait son Allemagne intérieure avec cette Lorraine. Il croit pouvoir déployer ici sa véritable et pleine activité. Ces provinces, pense-t-il, ont été soumises après l'annexion à une puissante saignée. La plupart de ceux qui devraient être le sel de ce pays l'ont abandonné. C'est à nous de reformer une Lorraine virile. Recueillons l'héritage, soumettons-nous aux influences du sol et de la frontière voisine. Dans cette forme messine, où la force fait défaut, nous apportons la plus riche matière humaine. Ainsi rêve le jeune Allemand, et voici qu'un arc-en-ciel se lève des prairies. Plus de vent, tout est apaisé, quelques coins d'un bleu natier apparaissent dans les nuées. Sur les pentes du plateau, où les écorchures montrent une terre creuse et pierreuse, des pêchers, des mirabelliers et quelques groupes de noyers font flotter de la fantaisie au-dessus des vignes mouillées. Dans les prés de la Moselle, au milieu des saules d'argent et des petits bois si doux, si pacifiques, le vieil aqueduc romain de Jouy met une poésie à la Hubert Robert. Facile paysage aux croupes arrondies, avec juste un petit clocher pour lui donner du piquant. L'heure conseille à l'étranger un sentiment résolu, joyeux. Il voit au ciel un signe d'alliance. Et cette campagne, après l'orage, pleine, énergique, luisante, semble prête à contenir encore des existences fortes. Son émotion, qui cherche un objet vivant, se rassemble sur la jeune Messine. Il songe, après une averse en été, la lumière sur les prairies, à la jeune noblesse du regard de Colette, émue des malheurs de sa nation. Il l'admire comme une gerbe, poussée après le passage des premiers ouvriers porteurs de faucilles, et qu'un de leurs fils, peut-être, viendra cueillir pacifiquement à la main. Un chant s'exhale de son cœur, un chant scolaire, et cependant spontané. Maintenant je connais le pays où les mirabelliers fleurissent, où dans la prairie étincelle la rivière la plus limpide. Un double vignoble l'encadre, surmonté parfois de forêts. Sous le ciel bleu de Lorraine souffle un vent qui trempe les âmes. C'est là que passe notre route. Oh, mes pères, je suis arrivé. Petit Cros, dit madame Baudoche, avant que nous partions, lisez-nous donc ce qui est écrit contre la croix. Les deux enfants déchiffrèrent à haute voix l'inscription qui décore la pierre cerclée de fer. Passant, souviens-toi que sur cette pierre, si de face placée, Saint Clément, d'après la tradition, a prié et a laissé l'empreinte de ses genoux, lorsque, pour la première fois, il aperçut d'ici la grande cité de Metz. Ils descendirent le long de la côte vers la gare. M. Asmus et Colette admiraient les vignes et disaient « La pluie leur sera profitable, car les grappes sont déjà formées. » Et tous les deux, avec un cœur charmant de simplicité, se réjouissaient d'une richesse qui ne leur appartenait pas. Les petits Cros, qui couraient en avant, remontèrent en hâte la pente pour leur montrer une famille à 100 mètres sur le côté. C'était évidemment une famille allemande. Le père tenait un arbre incliné avec le bec de sa canne qu'il serrait à deux mains. Les enfants bondissaient et cueillaient pour eux et pour leur mère. « Qu'est-ce qu'ils mangent ?» disaient les deux Cros. « Oui, qu'est-ce qu'ils mangent ?» reprenait madame Baudoche. « C'est admirable. Monsieur le docteur, comme vos compatriotes savent se nourrir partout. » Elle dit cela avec une âpreté qui surprit les deux jeunes gens, car ils n'avaient vu, dans toute cette journée pleine de souvenirs, où s'écorchait la vieille Messine, que la surface, une belle nappe lisse et brillante, sous leur regard ignorant. Colette craignit que le professeur ne fût offensé. « Ma grand-mère aime à taquiner, dit-elle, après qu'ils eurent gagné quelque avance sur la vieille dame un peu lasse. Elle n'est pourtant pas injuste, vous le savez. Elle reconnaîtra toujours ce qu'il y a d'honnête et de loyal chez vos compatriotes, mais elle a vécu au temps français. » Le bon Allemand l'interrompit. « Je vous entends, mademoiselle. Ma situation vis-à-vis de mon père est la même que la vôtre auprès de madame Baudoche. Il ne peut comprendre ce que j'admire dans vos familles françaises, parce qu'il a formé toutes ses idées dans l'excitation de la guerre. Mais je veux, durant ses vacances, l'obliger à reconnaître que le pays de la conquête est plus beau qu'il ne l'a vu, et que, pour nous autres Allemands, c'est la terre de l'espérance. » La caravane était arrivée au village d'Ancy, et se dirigeait vers la gare, entraînant un peu la jambe dans la poussière de la grande route. C'était 6 heures du soir, quand le soleil incliné rend au bois leur fraîcheur, à la vallée de l'ombre et au village leur vivacité. On s'installa, en attendant le train, à des tables de bois, devant des verres de bière et de sirop. On est bien sous les tilleuls auprès des saules de la gare d'Ancy. Nos promeneurs se taisaient en écoutant les oiseaux sur les arbres et dans le jardin un couple de petits bourgeois messins, un vieil homme avec sa femme. Celui-ci récriminait à voix haute en français sur une mesure de police. Il agaçait deux jeunes Allemands à la table voisine, et quand il appela l'aubergiste, l'un d'eux lui cria « Ne faites pas tant de bruit, en général, si vous parlez. Parlez ici en allemand. » Il ajouta d'une voix basse mais distincte « C'est insupportable ce qu'on se permet. Voilà 37 ans que nous sommes dans le pays. Ces voyous auraient eu le temps d'apprendre l'allemand. » Cette querelle fit horreur à M. Asmus, car durant tout ce jour, il avait maintenu en lui un état d'esprit calme et bienveillant, et voici qu'on venait troubler la pureté de ses impressions. Il sentait la petite Colette bouleversée d'une telle injure. Ce fut pis quand le bonhomme messin, rouge de colère et repoussant sa prudente épouse, riposta « Je parle la langue que je veux, et ce n'est pas vous, jeune freluquet !» Le freluquet bondit, la main levée. Alors M. Asmus n'y tint plus, et il cria en allemand d'un ton que les dames Baudoche ne lui connaissaient pas, le ton rogue des officiers. « N'avez-vous pas honte? De quel droit voulez-vous régenter ici leur langue? Des êtres comme vous sont la honte de notre race. Apprenez d'abord à vous conduire dans la vie avant de vouloir gouverner celle des autres. » Ah, quel est celui-là? Les jeunes insolents ne bougent plus. Ils ont pris M. Asmus pour un officier en civil. D'ailleurs, le train arrive et coupe court à la querelle. La rentrée jusqu'à Metz se fit dans un silence plein d'émotion. Colette regardait avec reconnaissance M. Asmus encore tout soufflant de fureur. C'est peut-être le suprême plaisir d'une femme, qu'elle soit une brillante Célimène ou cette petite Colette, si elle voit qu'elle a retourné les opinions d'un homme. Quant à Madame Baudoche, toujours d'esprit solide et courageux, elle s'évertuait à chercher qui pouvait bien être ce vieux bourgeois peu patient. La bonne dame mangea peu et se retira très vite. M. Asmus demeura quelques instants auprès de Colette, qui commençait à desservir. Au moment de la quitter, il lui donna la main, comme chaque soir, et il lui dit qu'il espérait bien qu'à son retour en septembre, on recommencerait une aussi belle promenade. Elle rougit et répondit « Monsieur le docteur, comme vous avez été bon aujourd'hui !» Ces mots troublèrent le jeune homme, déjà énervé par le grand air et les incidents de la journée. « Je rêve, dit-il, de crier une fois à la face de mes compatriotes, quel crime ils commettent dans ce pays !»« Ah, ce serait beau, monsieur Asmus, de nous protéger ainsi, » répondit-elle avec feu. Saisi par ce cri de reconnaissance, il eût voulu, dans cette minute, la défendre contre tous. Un nuage de jeunesse passa devant son esprit, et brusquement, il voulut embrasser la jeune fille. Elle se dégagea et courut, toute frémissante, dans la pièce où sa mère était endormie. Ainsi, cette belle promenade finit comme toutes les bonnes parties de campagne au mois d'août. Qu'il soit venu de la Prusse lointaine, qu'elle ait été formée sur les débris d'un passé sacré, cela ne change rien à l'affaire. La jeunesse et la saison les ramènent dans les bras de la nature. C'est banal, et pour cette fois, l'aventure n'est pas accompagnée d'un chant qui vaille d'être noté. Dans cette nuit du dimanche au lundi, les alouettes du jardin de Vérone n'ont pas chanté sur le quai Félix Maréchal. Nous nous en félicitons. Le climat moral de Metz nous dispose à sentir, comme une effronterie, la manière dont les deux jeunes Italiens dénouent la querelle de leurs parents. Et d'ailleurs, ici, dans cette ville, qu'Allemands et Français se disputent, qu'est-ce qu'une querelle de Capulet et de Montaigu ? La pauvre Colette dormit très mal. Le matin venu, elle dit la chose à sa grand-mère. « Il t'a embrassé, mais il est fiancé !» s'écria Madame Baudoche. Puis elle reprit. « Et Prussien ?» Les deux femmes, réunies dans la salle à manger, discutaient confusément, quand M. Asmus, au bruit de leur voix, vint les rejoindre. Il avait une figure bouleversée qui d'abord toucha Colette. « Madame Baudoche, dit-il, je viens implorer votre pardon. Hier soir, entraîné par l'émotion, j'ai obéi à un mouvement involontaire. Ne croyez pas que j'ai cédé à un caprice. Cette minute m'a renseigné moi-même sur un fait qui m'est apparu brusquement, comme une révélation. C'est que j'aime Mademoiselle Colette. » Je me suis interrogé. J'ai compris la raison de l'ascendant que Mademoiselle Colette exerce sur moi depuis une année. Et je dois vous le dire, quoi qu'il advienne, je ne puis plus épouser ma fiancée d'Allemagne, puisque ma conscience me dit que j'aime votre fille. Je dois avertir l'autre et lui redemander ma parole. Mademoiselle Colette, voulez-vous être ma femme ? La jeune fille, touchée de cette attitude loyale, répondit avec gêne. « Monsieur le docteur, vous le savez bien. » « J'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais laissez-moi reprendre, réfléchir. » Puis elle se tut. Et lui, se tournant vers Madame Baudoche, continua. « Si vous me donnez votre fille, je serai pour elle toute sa vie un compagnon dévoué. Ayez donc pleine confiance en moi. »« Ah, monsieur le docteur, dit-elle, je vous estime. Je suis une vieille femme, et ce serait ma consolation de voir, avant que je meure, l'existence de ma petite fille assurée. » Colette commençait de pleurer. « Laissez-la, monsieur Asmus, continua la vieille dame. Vous voyez comme elle a du chagrin. Elle a raison de demander à réfléchir. Et vous-même, ne faut-il pas que vous preniez du temps pour vos parents, pour cette demoiselle de Königsberg ? Allez d'abord en vacances. » On décida d'attendre un mois. Et le soir même, c'était le 7 août, le professeur partit sur la promesse que dans 30 jours, il aurait une réponse.